pression. C'est le street album de Baba. Eh, hey, t'inquiète pas, c'est l'Arsène Samat. Écoute Samat, les MC parmi des milliers. Tu connais la scène, au pistolet, pistonné par l'Arsène, rafistolé, bastonné par la haine. Pas la peine, ici ça gêne, c'est qui te parraine. 9-3 plus 2, leur appartement est dans nos gènes. Stein, tremblé, argenteuil, crime, trahison, argent et deuil. On se réveille surtout quand les agents nous cueillent. Rap racaille pour les ratailles qui rappent mal. C'est la rafale en cadillac, crise cardiaque si tu te sens mal. A chaque apparition je charge et puis je charque marié. Je touche plus au chat, ma voiture c'est comme un char armé. Ni de l'argent business, leur famille leur jet set. Un dé je pas en laisse, faut que j'en blesse au 3-5-7. Du 9-5 au 9-3 on blesse un peu les bras. Les métiers sont fracassés les bras. Parmi des milliers, dans l'endogouin d'un pilier. Trier sur le volet pour un feat, on se fait pas prier. Faut payer si on se connaît pas. Rap c'est un feta, mais ici je pose avec le cœur. Baba c'est la mifa. Mats à la ralfa, l'Arsène Lyrix Famas. Descendant du Hamas, big raveur de Charas. En parallèle, deuxième album en mai 2006. Depuis le time, j'en ai fait de la route, la rue. M'incise entre deux mondes, celui du crime et celui du rap. J'apprends vite que tout est éphémère, rien n'est durable. Le diable te tend la perche de la tentation. Attention, petit frère. Rap ça rapporte pas des millions. Trop de fausses illusions, la persévérance. C'est le seul allié qui adoucit la souffrance. 93-95, une pour ce 11-11-2. Pour nos sœurs qui souffrent à la peau noire ou bronze. Du 9-5 au 9-3, on baissera pas les bras. Les métiers sont fracassés les bras. Tu passes dans tes hauts palais. Du 9-5 au 9-3, on baissera pas les bras. Les métiers sont fracassés les bras. Tu passes dans tes hauts palais. Pour ma section expose ma rage. 9-5 RG pour le coup du risque. Triste est notre époque entre clock et riposte. Mon esprit sous ma stock, l'idée de briller pied rap. L'envie d'écrire un récit, mon vécu, trop de choses à dire. Et de pélo à paillonner, leur feu c'est de nous pousser à l'erreur. La possibilité d'envisager de rapper pour mon avenir. Ma rencontre avec le hip hop, mon pacte pour militer. Mes premiers pas dans la vibe, RG c'est danger. Dans le pilon y'a plus rien à crayer. La RC des français sont actualité. Ces fois MC vient brutaliser et terroriser toute banalité. Veulent que je croque pour avancer, pour moi c'est par étapes. Plutôt ça flippe que je vienne crailler dans leur repas. Nouveau style, nouveau flow, donc pour toi y'a plus de boulot. C'est l'argenteuil et on monte le niveau. Prêt pour le survol de l'Île-de-France.